Vous écoutez Sanglier FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Accordéon parade. Accordéon parade, c'est un plateau d'accordéonistes. Le bonjour de l'accordéon tous les dimanches de 9h à 10h avec Michel et ses amis accordéonistes. Accordéon parade, c'est une émission pour les mordus du dépliant et c'est 100% musette sur la bande FM. C'est Michel qui vous propose cette émission avec ses amis accordéonistes. Pour commencer cette émission, eh bien j'ai fait appel à Florent Gorier qui nous vient de Vesoul et qui va nous interpréter une série de passodobles. Allez, on y retourne. la la la la la la. Attention. Alors on y tourne. À vous. Oui, et merci à Monsieur Édouard Deleu de nous avoir amené un peu de fraîcheur avec cette brise napolitaine. Eh, oh, oh, oh, maintenant on va aller faire un petit tour, mais en Alsace on va aller danser la polka alsacienne. Thank you. Merci à Willy Staquet, sympathique accordéoniste belge, qui vient de nous interpréter cette merveilleuse polka. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, avec tous les morceaux d'accordéon que j'ai programmés jusqu'à présent, eh bien, on a réveillé le square, et c'est notre ami Jules l'Ancien, le réveil du square. Thank you. Merci à mon oncle, oui, d'avoir interprété mon oncle. Non, merci à Jean Corti, l'accordéoniste de Jacques Brel, qui vient de nous interpréter mon oncle. Et maintenant, eh bien, ils sont trois sympathiques accordéonistes qui nous viennent du Portugal, Teresa, Mauricio et Augusto, qui vont nous interpréter une mélodie du Portugal. À vous, messieurs, dames. Thank you. Merci à la famille Maurizio de nous avoir interprété ces merveilleux morceaux qui nous viennent du Portugal. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et vous êtes en compagnie de Michel qui vous propose, qui vous présente Accordéon Parade. Accordéon Parade, c'est le bonjour de l'accordéon tous les dimanches de 9h à 10h. Et le plateau de fromage, le plateau d'accordéoniste. C'est une émission 100% musette sur la bande FM. Et cette émission, elle est pour les mordus du dépliant. Michel vous propose cette émission avec ses amis accordéonistes. Et il y a quelques instants, c'était André Blot qui nous a interprété au L'Oiseau Mécanique. Grand succès de 1974. vient de rentrer dans le studio avec un grand sourire. Un grand sourire andalou, et c'est Monsieur Émile Prudhomme. Thank you. Merci à mademoiselle Yvette Horner qui vient nous interpréter un grand succès de monsieur Marceau, Aviatique. Et bien maintenant, nous allons swinguer avec Tata Gutwieder. Thank you. Merci à Monsieur Pluchard, à Aimable. Un de ses premiers enregistrements, c'était Fleurs du Tyrol. Et maintenant, on va écouter Hubert Ledin et Eric Colomb dans l'orchestre, avec l'orchestre Tendance, nous interpréter Une guitare dans la nuit. Dans la nuit, et l'on entend partout sa mélodie, une mélodie d'amour que je t'apporte, mais tu n'as pas voulu m'ouvrir ta porte. Et ma musique s'envole jusqu'à ta chambre. Et toi, tu fais semblant de ne pas l'entendre. Amour, réveille-toi, j'ai trop de peine. Je t'en prie, entends-moi. Toi que j'aime, oui, je reviens vers toi, réponds-moi, il n'est pas trop tard, j'ai tout l'amour du monde dans ma guitare. Ta chambre, et toi tu fais semblant de ne pas l'entendre. Amour, réveille-toi, j'ai trop de peine. Je t'en prie, entends-moi, pour toi que j'aime. Pousse pas, donne-moi la chance de te revoir. J'ai tout l'amour du monde dans ma guitare. Merci, messieurs. Et bien maintenant, c'est René Feuillet. Et je crois que c'est le créateur des transports Feuillet, René Feuillet, qui va nous interpréter un passe-double, grand accordéoniste dans les années 50, qui vient de ressortir ses anciens succès. Alors, on écoute René Feuillet dans un passe-double. Thank you. Nous venons d'assister à la parade des petits lutins de bois avec notre ami Charles Verstraete. Et on continue toujours accordéon parade avec une merveilleuse valse interprétée par Tony Murena, Auteuil-Longchamp. Merci, monsieur Tony Murena, pour cette polka et non une valse composée par monsieur Émile Vacher. Et on continue toujours accordéon parade. Thank you. Merci au joyeux Léon de nous avoir interprété les fiancés d'Auvergne. Alors les valseurs ! Eh bien les valseurs vont aller se reposer. Puisqu'accordéon, c'est parade, c'est fini ! C'est fini, mais vous pouvez me retrouver mardi pour la rediffusion de l'émission sur les 91 MHz de Sorgi FM. Ou alors en podcast sur internet. Donc Accordéon Parade, c'était une émission que vous a proposé, que vous a présenté Michel ce dimanche. Je pense que vous avez passé un agréable moment avec mes amis accordéonistes. Et on se retrouve bientôt pour une autre émission d'Accordéon Parade. Bon dimanche en triolet, bonne semaine en triolet et bye bye, à bientôt. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Michel en votre compagnie ce dimanche pour une heure de détente, une heure de bonne humeur. Et même de dédicace. Comment allez-vous, auditrice, auditeur sur GFM? Il fait bon, nous avons le soleil. Du bonheur, du bonheur. Mais qu'est-ce que je vois? Je vois que vous, monsieur, vous êtes bien grincheux ce dimanche. Ah oui, c'est qu'on a limité les vitesses sur les routes à 80 km à l'heure. Attention, si vous dépassez les 80 km/h, le radar vous flash, un point en moins et la petite amende. Alors roulez tranquillement, roulez zen. Et puis nous sommes en vacances. Du bonheur, du bonheur. Pour commencer, eh bien, nous allons écouter un concerto pour un été. Et c'est Alain Morisot qui nous interprète ce morceau. Thank you.

Bonjour, madame. C'est les dépannages plomberies. Oui. Oui, bonjour, madame Ledoux à l'appareil. Oui. Germaine, j'ai mon évier bouché. Alors, Ledoux, c'est accroché ou pas? L'évier? Non, votre nom. Ah, Ledoux, oui. C'est accroché, hein? Oui, c'est accroché. Alors, parvis de la Défense. Oui. Tour Gentille. Oui. 43e étage. 43e étage? Ben oui. Avec ascenseur, oui. Sans ascenseur. Non, vous rigolez là. Non, je rigole pas. C'est sans ascenseur. Attendez, hein. Bon, quittez pas, madame. Hein. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Où est votre problème? Vous êtes qui? Ben, le directeur technique. Ah, d'accord, ben moi, j'ai pas de problème. Simplement, je vais savoir à quelle heure il venait. Oui, mais c'est au 43e étage? Oui, c'est ça. Oui. Sans ascenseur, oui. Sans ascenseur? Oui. 43 étages sans ascenseur? Oui. Voilà. Il n'y a pas de problème. Non, mais 43 étages, il faut les monter à pied, madame. Mais moi, je le fais bien, monsieur. Vous le faites bien? Ben oui. 43 étages à pied? Ben évidemment, je fais mes courses une fois par semaine. Et vous avez un évier bouché? Oui. Maintenant, pourquoi il n'y a pas d'ascenseur dans votre immeuble? Non, c'était un immeuble fonctionnel. Oui. Et puis les bureaux ont déménagé. Oui. Moi, j'étais la concierge, ils m'ont relogé là-haut. Au 43e étage? Voilà. Et ils ont muré l'ascenseur parce qu'il n'y a plus personne. Et vous habitez dans un immeuble de 43 étages toute seule alors, madame? Oui, il y a mon fils qui vient me voir tous les jours. Et bon, t'as pris l'adresse de la dame là parce que. Oui, c'est. Alors, l'évier, il est bouché. Moi, je vois un gars, hein. Lionel, tu veux bien monter 43 étages, toi, à pied? Bon. Bon, écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver quelqu'un qui veut bien monter 43 étages à pied. Vous êtes gentil, monsieur. Oui. Alors, c'est très simple, hein. Quand il arrive au 38e étage, il change d'escalier. Il prend l'escalier C parce que l'escalier est muré, hein. Au 38e étage, il faut changer d'escalier? Oui. Et prendre l'escalier C? Voilà. Alors, avec l'escalier C, c'est un escalier qui descend jusqu'au 5e, hein. Et monter 5 étages? Non, descendre. Comment on descend jusqu'au 5e? Oui, parce qu'ils ont muré après. Oui, alors, il faut descendre jusqu'au 5e étage? Voilà. Une fois qu'on est monté au 38e? Oui, c'est ça, mais c'est pas par le même escalier, hein. Non, mais attendez. On monte 38 étages. Voilà. Voilà. Et après, on descend? Oui, jusqu'au 5e. On descend jusqu'au 5e étage? Oui, alors, faut pas qu'ils se trompent parce que c'est dans le noir. C'est dans le noir? Ah oui, il n'y a pas de lumière, hein. Comment, il n'y a pas de lumière? C'est une galère, ça, hein. Mais moi, je le fais bien, hein. Oui, je sais, mais si vous avez des bons yeux, il faut que je trouve un plombier qui a des bons yeux, hein. Vous savez, monter 38 étages dans le noir. Oui, mais il peut compter dans sa tête, hein. Moi, je compte, hein. Comment il va compter dans sa tête? Ben déjà, il faut qu'il y arrive, hein. Il ne faut pas que je trouve un plombier cardiaque, moi, hein. Vous vous rendez compte, 38 étages dans le noir? Non, mais moi, je vous tire mon chapeau, madame, hein. Vous êtes courageuse, hein. J'ai 73 ans. 73 ans? Parce que 73 ans, monter 43 étages, redescendre 38 et redescendre de... Attendez, il faut que je fasse le calcul, là. Il faut redescendre 33 et sans lumière. Oui. Et c'est vraiment noir, alors. Ah oui, c'est noir. C'est noir, il faut amener une lampe. Non, il y a une rampe, hein. Il y a une rampe. Oui, enfin, il y a une rampe, tous les étages impairs. Putain, il faut que j'appelle Belmondo, moi, hein. Ça irait plus vite avec un hélicoptère et qu'il me jette directement dans votre fenêtre. Mais alors, à chaque fois que vous montez 38, vous descendez 33 et vous remontez 40... voilà. 43. Oui, c'est ça. Ça fait 80 étages, en tout ça. 81. 81. Mais c'est inhumain ce qu'ils vous font là. Putain, vous rendez compte, c'est une après-midi qui est foutue pour un plombier. Et c'est vraiment bouché votre évier. Hein. Ah oui, il est bouché, il refoule. Hein. Il refoule. Ok, s'il n'y a pas de voisin, il peut refouler, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Ah oui, mais enfin, c'est pas. Bon. Alors, que je vous dise comment oui. faire quand il arrive. Hein. Oui. Quand il est en bas. Oui. Il y a un interphone. Oui. Il sonne et je descends lui ouvrir. Vous descendez vous-même? Oui, je vais descendre lui ouvrir. Vous ne va pas vous faire descendre quand même qu'à 45 étages, 43 étages, mais et si. Remonter 81 à 73 ans pour lui ouvrir. Pourquoi il ne marche pas l'interface? Mais non. Bon, alors vous faites une blague, qui vous êtes? Vous êtes qui? C'est... approchez, approchez. On va danser le big bisou. Big bisou en anglais, ça veut dire gros baiser. Quand je vous le dirai, donnez-vous un baiser moelleux à l'endroit que je vous indiquerai. Nos grands-pères et nos grands-mères faisaient tellement de manières qu'ils mettaient parfois jusqu'à 100 ans pour s'embrasser. C'est un souvenir du joli temps passé. Dépassé. Croyez-vous au big bisou. Et d'abord, sur la main, style ancien, noble et tout. Attention, sur la main, embrassez-vous. Stop. Big bisou, juste après, de plus près, sur la joue. Attention, sur la joue, embrassez-vous. C'est quelquefois marrant. Ils pensaient que les bébés, ça vient en s'embrassant. C'est un souvenir du joli temps d'avant. Mais maintenant, on s'en fout. Plus hardi, le bibi, dans le cou. Attention, dans le cou, embrassez-vous. Enchaîné sur le nez, ah, pas dessous. Attention sur le nez, embrassez-vous. Attention sur la bouche, embrassez-vous. Merci à Carlos de nous avoir fait plein de petits bisous, big bisous. Vous aimez l'accordéon ? Tous les dimanches à partir de 9h et jusqu'à 12h, c'est Accordéon Parade. C'est Michel qui vous propose cette émission. Cette émission est rediffusée le mardi à partir de 10h. Ou alors, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez écouter l'émission à podcast sur Internet, sur JFM. Une heure de détente, une heure de bonne humeur, une heure d'accordéon. Et après, Michel vous propose de la variété. De la bonne variété française. Tout ça, c'est sur les 91 MHz de votre radio sympathique sur GFM. Autrement, vous pouvez le retrouver le dimanche à partir de 9h. Ses bras sont grands ouverts pour accueillir les pauvres. Il te livre un secret pour te donner sa paix. Redis-lui que tu l'aimes, redis-lui chaque jour que la vie soit poème, un poème d'amour. Redis-lui que tu l'aimes, redis-lui chaque jour, que la vie soit poème, un poème d'amour, que la vie soit poème. Nous étions au sommet des montagnes et c'est un sympathique chanteur canadien qui est George Hamel qui vient nous interpréter cette merveilleuse chanson. La sua terra se n'è andato, per giorni ha camminato, lontano dalle sue radici, da solo e senza amici, mai è rimasta dentro il cuore la voglia di tornare per ritrovare quell'amore che aspetta. Casa cavallero, cavalcando il tuo destiero, nella nebbia della sera, stai seguendo una chimera. Torna a casa cavallero, segui fiero il tuo sentiero, sventola passando la radura, cavalca senza paura, lasciando dietro tante storie di gioia e di dolore. Caballero, cavalcando il tuo destriero, nella nebbia della sera, stai seguendo una chimera, torna a casa cavallero, segui fiero il tuo sentiero, sventolando il tuo sombrero, ritorna mio cavallero. Caballero, cavalcando il tuo destriero, nella nebbia della sera, stai seguendo una chimera, torna a casa cavallero, segui fiero il tuo sentiero, sventolando il tuo sombrero, ritorna mio cavallero. Merci à Mario Riccardi de nous avoir interprété ce merveilleux morceau qui nous vient d'Italie. Et maintenant, eh bien, la dernière dédicace de ce dimanche, de ce week-end, c'est pour Marie et Jean qui aimeraient écouter Marie-Josée dans Esperanza. Ça va leur rappeler de bons souvenirs. Alors, pour vous Marie, pour vous Jean, eh bien, nous allons écouter Marie-Josée dans Esperanza, grand succès des années 1963. Et c'est Marie-Josée qui nous interprète ce morceau. Esperanza, Esperanza, le bonheur en nos cœurs suit son cours. Esperanza, oh Esperanza, l'espoir est en nous, mon amour. L'amour est né de tout petit rien, de gestes anodins, prenant forme malgré nous. Et dans nos cœurs, il a fait son lit, s'est épanoui dans nos rêves un peu fous. Et pourtant, au lieu de louer la providence et cette chance bien à l'avance, tu veux savoir si plus tard je serai la même, puisque je t'aime et que tu m'aimes. Oublie tout pour aimer, vis le moment qui vient et n'aie pas peur de tes lendemains. Qu'adviendra-t-il de nous? Qu'importe, c'est la vie, je ne connais en tout que ce cri. Esperanza,

Et oui, amis auditrices, auditeurs de Sœur GFM, je vais vous quitter. Je vais aller faire chercher de la fraîcheur ce jour en forêt de Troncet. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission d'accordéon parade et de variété. Mais n'oubliez pas d'être sur les 91-91 MHz de Sœur GFM. Passez un bon dimanche, une bonne semaine. Et merci d'avoir été avec moi ce dimanche matin. Programmation, réalisation de Michel, présentation de Michel. Bon dimanche, bientôt, à bientôt et bye bye.